Merci. Rap. X, ZX, 40, UXT, ordinateur, parle, je ne réponds plus de rien. Appuyez sur la bobinette et le bouton rouge. Y a-t-il un docteur dans la salle? Une infirmière? Sage-femme? Il ne faut jamais rester scotché au plafond. Jamais. Del coche donde la matanza de la mano de las tías hay un barco andando y andando el barco sin timonel.